Je ressens un frisson qui part de la base des vertèbres lombaires et qui remonte au plus haut des cervicales. Monsieur, madame, c'est normal, vous m'aviez consulté pour des primes et idées noires. Je vous ai prescrit 2 heures de British Connection par semaine. Surtout, n'arrêtez pas, le traitement est efficace. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. Salut, c'est Philippe Gonin dans British Connection, musicien, compositeur, maître de conférences à l'Université Bourgogne-Europe. J'écris également des bouquins et celui dont je vais parler aujourd'hui est non pas mon dernier livre, mais une deuxième édition d'un livre qui est paru en 2023 et qui est consacré au groupe The Cure. Alors ma première rencontre avec The Cure remonte à 1981 ou 1982. J'étais dans une boutique de disques d'occasion, parce que bon, pas trop d'argent, donc j'allais acheter des disques d'occasion, et j'étais en train de farfouiller dans les bacs, quand le type passe une cassette. Et cette cassette, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas Pink Floyd, mais ça ressemble un petit peu à Pink Floyd période mort, vous voyez. Et je m'intéresse à tout ça, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit, oh, c'est The Cure, 17 Seconds. Moi, j'achète pas de cassettes parce que je passais plus de temps à les rembobiner avec mon crayon qu'à les écouter, avec mon petit magnétophone pourri. Et donc, comme l'électrophone était quand même un peu plus fiable, je vais immédiatement dans un magasin de disques local dont je tairai le nom et je cherche cet album 17 Seconds. Il n'y est pas. Le seul disque de Cure qui était là, c'était celui qui venait de sortir, qui était Faith à l'époque. Donc, je l'achète. Et là, je tombe dedans. Et quelques mois plus tard, sort Pornographie. Et là, c'est pareil. Je me souviens encore d'une écoute qu'on avait faite chez un copain qui m'avait dit, bah, tiens, on va l'écouter ensemble. Et on avait fait une écoute absolument religieuse de cet album Pornographie qui, pour moi, est encore aujourd'hui un sommet et qui est encore aujourd'hui un album que j'écoute régulièrement et sur lequel j'ai même écrit un petit bouquin, d'ailleurs, avant même ce Cure chez Le Mot et le Reste, qui est sorti aux éditions Densité, qui n'est consacré que à Pornographie. Pornographie sort en mai 82 et en juin, c'est la tournée Pornographie. Et le 5 juin 1982, il passe par Lyon, ou plutôt le Palais d'Hiver, qui était situé à Villeurbanne, à la limite entre les deux villes. Et j'achète un ticket, 50 francs à l'époque, 8 euros, et je vais voir Cure. C'est le premier concert rock de ma vie. Le premier concert rock de ma vie, c'est un concert de Cure. Après ce concert de 82, j'y suis allé pratiquement toutes les fois. À chaque fois qu'ils sont passés à Lyon, j'ai dû les louper une seule fois de toute ma vie lorsqu'ils sont passés à Lyon. Et en 1983, il y a une tournée avec... c'est 83, je crois, une tournée avec Siouxsie and the Banshees. Et là, je vais voir aussi, puisqu'il y a Robert Smith, et puis j'aime bien Siouxsie and the Banshees aussi. Et là, avec un copain, on se dit, attendons à la fin du concert, et puis voyons si on peut parler à Robert. On a attendu une demi-heure, une heure, et puis là, il sort, et on a croisé un type absolument charmant qui a commencé à discuter avec nous, qui nous a même offert à boire, il avait un verre, un des gars qui était là a dit « je le garde », donc je ne sais pas s'il l'a encore, mais il a gardé ce verre en souvenir. Il nous parlait du prochain album qui allait sortir, qui était « The Top ». Tournée de Top en 1984, on se retrouve avec ce même type à l'extérieur du concert et puis on se dit « entrons voir la balance » parce qu'on arrivait des heures avant alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire à cette époque-là. Et là, il y a un gars de la sécurité qui est à l'extérieur qui nous dit « je ne peux pas vous laisser entrer ». Bon, très bien. Et puis au bout d'un moment, il nous dit « mais là, je vais aller pisser ». Donc on est entré. Et là, ça a été sublime, on a pu voir la balance de Cure, on n'était que deux dans la salle, et à un moment donné, on a osé, on est monté sur scène, et on a fait signer notre ticket. Le premier morceau que je souhaiterais vous faire entendre est tiré justement de Pornographie, et il s'appelle « The Figurehead ». Thank you. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Sur les radios rock. Pourquoi écrire des livres? Pourquoi prendre le temps de s'asseoir devant un ordinateur et puis de vouloir écrire absolument l'histoire d'un album ou l'histoire d'un groupe? Je crois que ça m'est venu d'abord par mon métier, puisque c'est absolument ce que je suis censé faire, c'est-à-dire parler de l'histoire du rock, analyser le rock, analyser toutes ces musiques qu'on appelle les musiques actuelles. Et donc, rapidement m'est venue l'idée de coucher ça sur du papier et de pouvoir publier des histoires. Ça a commencé par des ouvrages un peu pédagogiques sur Pink Floyd, mais le premier vrai livre que j'ai publié, c'est celui sur Magma, Au mot il reste. Puis sont venus ensuite tous ces ouvrages sur Pink Floyd et il fallait à un moment donné que j'écrive aussi sur The Cure. Ça me rappelle un petit peu cette anecdote de Nick Kent qui disait avoir vu Pink Floyd avec Syd Barrett sur scène et s'être dit à ce moment-là, il va falloir un jour que j'écrive sur lui. C'est peut-être ce qui m'est arrivé à un moment, pas en 82, quand je les ai vus pour la première fois, j'étais plutôt dans l'envie de devenir une sorte de Robert Smith moi aussi, mais plus tard, je me suis dit, il va falloir un jour que j'écrive aussi quelque chose sur The Cure, et je remercie quand même les éditions Le Mot et le Reste et Yves Jolivet de me laisser cette liberté-là de pouvoir écrire sur les choses que j'aime aussi. Et il fallait résumer ces 40-45 années d'histoire en 300 pages. Il fallait aussi que cette histoire soit celle de quelqu'un qui connaît un peu son affaire, mais en même temps ne soit pas un livre de fan, c'est-à-dire reste avec une certaine distance, même si ici ou là je donne plus ou moins mon avis sur telle ou telle chanson, tel ou tel album évidemment, parce que ça fait aussi partie du job, ça fait aussi partie de ce défi que d'écrire en gardant une distance mais en montrant quand même qu'on aime le sujet sur lequel on écrit. Et moi je suis amoureux de Cure depuis 1981-82, depuis que j'ai découvert ce 17 Seconds, depuis que j'ai acheté Faith. Donc il fallait que tout ça transparaisse, il fallait que tout ça reste à la fois distant, que chacun puisse se reconnaître quelque part, même si ici ou là certains peuvent se dire non, il exagère, je suis pas d'accord avec lui, moi je préfère cette chanson, je préfère celle-ci, lui il aime celle-là, moi je l'aime pas, etc., etc. Mais il fallait absolument que cette histoire, pour moi, se fasse. Il fallait que j'écrive ce livre. Il fallait que je l'écrive et que je le livre aux gens et qu'ils puissent se l'approprier, ils puissent le lire et apprendre des choses, peut-être. Alors peut-être que le fan ultra n'apprend pas grand-chose, voire n'apprend rien du tout, mais peu importe, il faut aussi écrire pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, envie d'aller découvrir cette chose-là. Et c'est à ça que sert ce livre, en fait. Album par album, chanson par chanson, avec une analyse musicale mais qui reste quand même lisible, parfois des choses autour du studio, puisque j'ai eu l'occasion quand même de discuter avec Dave Allen, qui a produit les albums de Cure pendant 10 ans, j'ai eu l'occasion de discuter avec Michael Dempsey, qui était là au début, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui ont côtoyé le groupe, et donc ça m'a permis de pouvoir écrire ça. En revanche, même si je l'ai rencontré en 1983, il n'y a pas d'entretien avec Robert Smith. Peut-être que je n'ai pas voulu toucher au mythe, peut-être que je n'ai pas voulu toucher au personnage qui m'a fasciné quand j'avais 17 ans et qui me fascine toujours parce que, comme je l'écris, Robert Smith, aujourd'hui, malgré les années qui ont pu passer, il a gardé cette espèce de look qui vient à lui et, quoi qu'il en soit, à travers les âges, il n'a jamais, jamais, jamais été ridicule. La deuxième chanson que je voudrais vous faire entendre, elle est tirée cette fois-ci de Disintegration, et c'est justement Disintegration. We'll be right back. if I trip, starts to just let go. My heart is songs about happiness, loving and dreams, hopes of both of us. Vous êtes toujours sur British Connection avec Philippe Gonin pour vous parler de The Cure. Alors pourquoi une réédition de cet ouvrage paru il y a à peine deux ans finalement, en 2023 ? Eh bien parce que en 2022, lorsque la tournée européenne nous fait entendre 3, 4, 5 nouveaux morceaux, on se dit que l'album va bientôt sortir et donc on attend la fin de la tournée et on attend et on attend et on attend que Smith veuille bien nous sortir enfin ce nouvel album studio tant attendu depuis si longtemps. Et en fait, rien ne vient. Donc, au début d'année 2023, la décision a été prise de le publier et de décider que la date de sortie de l'ouvrage serait mai 2023, ce qui a été fait. Mais tout ça, c'était sans compter sur ce facétieux Robert Smith qui, finalement, un an après, ou un peu plus d'un an après, nous sort enfin cet album tant attendu. Et même si la plupart des titres étaient déjà connus, cet album est une heureuse surprise. C'est un très très très bon cru dans la discographie de The Cure. En tout cas, l'enthousiasme est tout de suite général. La presse est dithyrambique à deux, trois exceptions près, et en tout cas bien plus qu'elle ne le fut pour le précédent album, voire les deux, trois précédents albums. Et cet album, qui a une tonalité sombre, qui est vraiment un album très très personnel pour Robert Smith, presque plus personnel que n'était Faith, voire Pornographie, va finalement connaître un succès assez, j'allais dire assez étonnant, mais en fait non. C'est un bon album, donc il va connaître un certain succès et va rencontrer aussi le public. Alors, évidemment, le livre du coup était devenu pratiquement obsolète et il fallait impérativement que l'on puisse ajouter quelque chose. Et il se trouve que le premier tirage étant pratiquement épuisé, on a rapidement pris la décision d'ajouter un chapitre qui allait parler de ces deux dernières années qui n'étaient pas dans l'ouvrage et donc évoquer finalement ce dernier album. Et c'est donc ce qu'on a fait en adoptant le modèle qui avait été celui des autres albums traités dans l'ouvrage, en reprenant donc chanson par chanson, en évoquant la pochette qui est assez originale, et, enfin, dont l'histoire est assez intéressante. Et en plus, non content de sortir un album studio, l'album ayant été lancé par un concert de 3 heures au Troxy, Robert Smith en sort un album live qui, hélas, n'est consacré qu'à ce dernier album dont on a finalement les versions live, des versions studio, ce qui permet peut-être aussi de contrer un petit peu le marché des bootlegs, mais peu importe. Et donc là, on pouvait partir sous presse, sauf que juste avant qu'on envoie le bouquin chez l'imprimeur, Robert Smith annonce encore une nouvelle sortie, et cette fois-ci des remixes, un petit peu dans l'esprit de Mixed Up qui était sorti il y a 30 ans, de l'album intégralement. Donc on a pu en parler, mais cette fois-ci, en n'ayant pu écouter, juste avant d'envoyer sous presse, que deux des titres de l'ensemble du remaster. Et donc, il y aurait peut-être encore une réédition à faire en évoquant ceci, d'autant que Robert Smith annonce encore un autre album studio très bientôt. Alors peut-être, si cette version, si cette deuxième édition part aussi vite que la première, on pourra, le cas échéant, en faire une troisième quand celle-ci sera épuisée, ce qui permettra de compléter encore le tableau. Alors je voudrais terminer cette évocation de Cure par un troisième titre, et curieusement peut-être, enfin en tout cas avec un choix qui pourra surprendre peut-être les auditeurs, j'ai choisi un titre qui n'est, à part sur la compilation Join the Dots, qui n'est que sur les versions maxi, de The Love Cats. Et ce morceau, qui est un morceau que j'adore absolument, s'appelle Mr. Pink Eyes. Et c'est ce Mr. Pink Eyes qui terminera cette évocation de The Cure. Vous êtes toujours sur British Connection. Salut. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Your mind is blank, your mind's away. Et c'est la troisième partie de l'EP de la semaine, c'est Estherel Session de Little Nemo dans British Connection. My life is a mess, c'est un cri silencieux, une confession sur ce que l'on traverse parfois sans que personne ne le voie. L'inspiration m'est venue un soir d'insomnie, entre deux verres et une boucle de synthé un peu lente. On voulait garder quelque chose de brut, comme un mur de brume qu'on traverse à l'aveugle. C'est une chanson qu'on ressent plus qu'on ne l'explique. Si elle résonne en toi, alors elle a trouvé sa place. Merci de l'écouter.